Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez la niaque ce matin ? Wesh, gros, tranquille. Mais ma nuit fut aussi louche que l'atterrissage de la police sur le tarnac de l'ultra-gauche. Une manœuvre pas mal à droite. Enfin bon, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, quel est notre patient ce matin ? Eh bien, professeur Colin, ce dossier Epsilon numéro 15 se présente en deux parties. Deux parties ? Jean-Jacques debout. Mais non, rasseyez-vous ! On n'a pas encore commencé les briques. Comme d'hab, je vous la fais en trois briques. Attention, écoutez bien. Boulangère. Boulangère ? La boulangère, elle pétrit le pain. Julie pétrit, Ève, lève-toi. Tes enfants ont grandi, mais non, rien à voir. Attention, deuxième brique, bergère. Bergère, ah bah c'est France Gall, la femme du berger. N'importe quoi. Allez, concentrez-vous, Trianon. Ah, ok doc. La bergère du petit Trianon qui a fini dans le pétrin, c'est Marie-Antoinette bien sûr. Excellent dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y, étudions le cas de cette reine acéphale. Maniez-vous, les laquais, et apportez au labo le dossier de votre reine qui s'entête. Faites entrer Marie-Antoinette. On avait dit qu'elle entre, et elle entra profondément. Oh ! Quel est votre nom ? Marie-Antoinette de Lorraine d'Autriche. Votre profession ? Veuve du roi de France. Ah non ! Attends, on vient à peine de commencer qu'elle nous pourrit déjà l'ambiance, l'aristo, là. Veuve. Tout de suite. Bon, ok. Mais vous êtes un peu sinistre, Marie-Antoinette. Vous auriez pu commencer par nous dire, par exemple, que vous avez été première dauphine, Miss Lorraine d'Autriche. Ensuite, vous êtes devenue Miss France en 1774. Et surtout, vous êtes sans doute aujourd'hui la reine française la plus célèbre. Bon, c'est sûr que tout ça s'est terminé le 16 octobre 1793 avec votre tête dans le panier. Trois points. Cela dit, attention. Destinée fascinante et dossier psychologique bougrement alambiqué, n'est-ce pas, professeur Mauduit ? Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, la pathologie la plus inquiétante chez Marie-Antoinette, c'est sans doute son tropisme pour la politique de l'autruche. Et oui, puisque l'autruchienne, devant un peuple de France qui crevait de faim, n'a rien pu faire de mieux que d'enfouir sa tête sous le sable. Et pourtant, elle n'était pas idiote, la coquine. Et ce curieux paradoxe nous conduit immédiatement à la seconde pathologie. Chez notre patiente, on trouve ce syndrome qu'on pourrait appeler le complexe de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette est une archiduchesse d'Autriche, elle est une reine de France et elle est le nom d'un certain complexe français, comme Electre est le nom d'un certain complexe chez Freud. Elle a créer le petit Trianon, le village et tout un style bucolique et sentimental. Ce style bucolique et sentimental vient de Rousseau et il est évidemment impressionnant de penser qu'elle a tellement été la disciple et peut-être une des plus efficaces disciples de Rousseau alors que le rousseauisme a fini par la faire décapiter. Eh ben voilà, la tête dans le caniveau, c'est la faute à Rousseau maintenant. Bon. Va vraiment falloir me faire le tri là-dedans. Nous avons donc 53 minutes pour établir ensemble un authentique diagnostic non négociable, afin de savoir si oui ou non les méandres psychologiques de Marie-Antoinette recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre curieuse séance, afin de te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte le son mon ami, sois le bienvenu, c'est la panique. Alors amorçons ensemble l'étude de ce dossier aristocratique avec le king de la pop musique britannique, pensionnaire lui aussi du ministère psychique. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. I could leave her on her own. Knowing she's okay alone. And there's no messing. She's a She knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Lady, c'est ce que pensait Tom Jones en 1971, mais c'est aussi ce que disait Marie-Antoinette en 1771 en parlant du chevalier Déon. I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Avant tout, le ministère psychique dépose ses respects aux pieds de l'éminent professeur Sigmund Freud pour la clarté absolue de son introduction au cas psychique de notre patiente. Et oui, il fallait bien une intervention de l'inventeur de la psychanalyse pour prendre la tête de cette émission que le ministère psychique consacre ce matin à Marie-Antoinette. Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine est la fille de François Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique et de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Marie-Antoinette est donc une Autrichienne avec un beau pédigré, une peau bien adhérente et un poil soyeux. Elle n'a que 14 ans lorsqu'elle quitte Vienne pour se rendre en France afin d'épouser le futur roi Louis-Auguste qui n'a alors que 16 ans le branleur. Et en effet, à la cour de France, on attend avec impatience cette Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine, la future première dauphine. La première dauphine est Miss Lorraine. Mademoiselle, premier commentaire, s'il vous plaît. Donnez-moi votre premier commentaire. C'est un rêve qui se réalise. Merci à tous, merci la France, merci les Dumptons, merci. Bonsoir, merci. Et vive les Miss, merci Lynn. Et vive les Miss. Mais hélas, Marie-Antoinette se rend très vite compte que son nouveau mari la délaisse quelque peu. Il faut en effet attendre 7 ans pour que le mariage soit réellement consommé, si tu vois ce que je veux dire. Bon, certains ont évoqué, sans doute à tort, l'impuissance de Louis XVI. D'autres parlent d'une petite malformation zizitale. Quoi qu'il en soit, Louis XVI n'est pas trop porté sur la chose, puisqu'il est le seul des Bourbons, par exemple, à ne pas avoir de favorite. En revanche, Loulou s'épuise à la chasse et ses plaisirs de la chair ne sont pas vraiment ce qu'espérait Marie-Antoinette. Vous faites ça souvent ? Quand j'ai les crocs. Et vous êtes toujours tout seul ou des fois il y a des gens ? L'intérêt du casse-dalle de 2h du matin, c'est avant tout d'être peinard. Vous avez raison, on est encore bien mieux tout seul. Non, encore c'est rien, vous êtes là. Mais tout seul, pff, vous pouvez pas savoir. Mais vous qui êtes là souvent ? Oui, pour être tranquille, oui, tout à fait. Vous avez sûrement dû remarquer. Quoi donc ? Non, après c'est peut-être des on-dit, hein, mais... Mais quoi ? Eh ben, je sais pas si c'est vrai, mais on raconte que c'est ici que les couples viennent se retrouver la nuit. Les couples viennent ici la nuit ? Il paraît. Oh bon ? Oui, il paraît même qu'ils font des choses là-dessus. Mais vous aviez jamais entendu parler de ça ? Non. C'est curieux quand même que ça vous soit jamais venu aux oreilles. Bah, je m'en fous aussi, ça doit jouer. Mais à votre avis, c'est vrai ou pas ? C'est possible, oui. Bah, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça vous intrigue pas ? Non, non. Eh non. Louis, devenu roi en 1774, n'est pas intrigué par ces choses-là. Alors, de son côté, Marie-Antoinette cherche à s'amuser un peu, au petit Trianon, avec ses copines, la princesse de Lamballe et Madame de Polignac, mais aussi avec quelques amis. On fait un quart d'heure américain, ok ? T'invites Jean-Pierre ? Tu danses, je vais pas me jeter à son cou. Bon bah moi je vais inviter Roger. Hein. Qu'est-ce que c'est un quart d'heure américain ? C'est des filles qui invitent des garçons. Ah bon ? Qui t'invite toi ? Moi, personne. Ah ben ouais, hein. Elle n'en peut plus, Marie-Antoinette, d'avoir pour époux un Louis XVI très peu actif. Alors, quand passe dans les parages un comte suédois, Axel de Fersen, eh ben Marie-Antoinette, elle est toute émoustillée. Excitation que remarque immédiatement la princesse de Lamballe. Pourquoi es-tu si pressée ? Il ne s'envolera pas ? Je sais, mais je meurs d'impatience. Pourquoi ? Tu n'as pas remarqué ? Sa poche faisait une bosse. Ouais, peut-être un paquet de boules de gomme ? Non, c'était en forme de cube, ça ressemblait à un écrin. Je crois qu'il a un cadeau pour moi. Ah bah ouais, hein ! Elle n'en peut vraiment plus, Marie-Antoinette. Cela dit, la suite s'arrange quelque peu dans l'intimité entre Louis XVI et sa Marie-Antoinette, puisqu'il est envisageable qu'un léger coup de bistouri ait tout bien replacé chez le roi. Le couple découvre ainsi les jeux de l'amour. Et ce n'est pas par hasard si quelques mioches apparaissent enfin. Grand Dieu, la succession au trône de France est assurée. Mais la sérénité intime de Marie-Antoinette et de Louis XVI est bouleversée par la tourmente révolutionnaire. Car en effet, après l'été 1789, où s'effondre en quelques semaines la monarchie absolue, Marie-Antoinette voit apparaître à Versailles, le 5 octobre 1789, des rivales par centaines, avec toutes ces parisiennes venues chercher le roi. Quel vacarme ! Comment est-ce qu'on peut dormir là-dedans ? Des pétards, des fusées ! Votre Majesté ! Votre Majesté, c'est la Révolution. Il faut vous enfuir, ils envahissent le palais. C'était donc ça, ce bruit ? C'était oui. La Révolution, déjà ? Libre, libre. Mon père, que vous avez gracié. Vite. Vite, papa. Vous n'êtes pas aussi grand que je le croyais, je vous dépasse d'une tête. Allons, venez, vite, suivez-moi. Vite. Le voilà. Le voilà. Ah, c'est lui. Attendez, attendez. Vous faites une abominable erreur. Allez, emmenez-le. Et ses amis oh, avec lui. Non, attendez, je suis avec vous, je suis des vôtres. Ne faites pas ça, c'est une erreur judiciaire. Et voilà, en octobre 1789, le roi, la reine et le petit prince sont ramenés sous bonne escorte jusqu'à Paris, où la famille s'installe aux Tuileries. Et là, sous le regard constant des gardes nationaux et des sans-culottes, il est bien difficile pour le roi et la reine d'avoir un peu d'intimité sexuelle. Dans le couple, la tension s'installe et Louis XVI, qui maintenant sait utiliser son sceptre royal, veut absolument découvrir des lieux un peu plus exotiques. Tu es prête, oui ? Oui. Oui, oui ou oui, non ? Oui, crotte. Et encore, c'est parce que c'est dimanche, sans ça. Je veux bien aller tout seul à la reine. T'en fais des chichis parce que tu vas à la pêche. Moi, je vais à la chasse tous les soirs et je ne crains pas. T'aimes pas notre vie ? Tu l'aimes, toi, notre vie ? Faut bien, je m'y suis habituée. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors ? Alors, rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi ? Cette idée. Alors, ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère ! Vas-y tout seul, à la Varenne, pour une fuite bien mal orchestrée qui s'est terminée en tête à queue pour le couple Capet. Alors voilà les difficultés sexuelles. Qu'ont connu Louis XVI et Marie-Antoinette au premier temps de leur mariage, se sont dissipées. Une vraie révolution, mais qui s'est mal terminée, sans queue ni tête. Et, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de Marie-Antoinette demeure une menace pour notre société. Mais, pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Bien, professeur Colin. Pour étudier le cas de Marie-Antoinette, cette reine de France née à Vienne en 1755, le mieux, c'est peut-être de regarder ce qu'en dit un autre Viennois. Son biographe, à savoir Stefan Zweig, qui a d'ailleurs cherché une approche psychologique en s'inspirant de Sigmund Freud, encore un représentant éminent de la jolie ville de Vienne. Et pour tous ceux qui en auraient assez de toutes ces viennoiseries, ils n'ont qu'à manger du pain. Alors, Stefan Zweig a souligné la complexité de la psychologie de cette femme, mariée à l'âge de 14 ans et qui passe en deux décennies de l'image d'une petite fêtarde dépensière à celle d'une digne mère martyre. Et en effet, Marie-Antoinette doit subir sans cesse une succession de clichetons. Mais ça, il faut s'y attendre quand on est un symbole du pouvoir. Tenez par exemple cette obscure histoire du collier de la reine, dans laquelle d'ailleurs Marie-Antoinette était complètement innocente. Eh bien, c'est sûr que ça fait très mal, surtout qu'en même temps, le Figaro de Beaumarchais titillait la noblesse. Alors qu'aujourd'hui, tout ça, c'est fini, puisque le Figaro efface les bijoux trop encombrants, au risque d'ailleurs de gêner celle qu'il voulait protéger. Ainsi, face à toutes ces petites attaques, on comprend très bien pourquoi Marie-Antoinette aimait à se réfugier dans son petit hameau pour jouer à la bergère avec ses moutons, mais aussi quelquefois sans doute pour jouer à saute-mouton sur une bergère. Car représenter l'État à tout moment, c'est épuisant et parfois il est bon de se retrouver dans un petit endroit calme et protégé. Aujourd'hui, le pendant du petit Trianon pour Nicolas Sarkozy, c'est la lanterne. Un très confortable pavillon de chasse dans le domaine du château de Versailles. Alors, la lanterne a gagné ce nom car ce petit palais très coquet et plein de personnalité était illuminé comme un falot. Alors, jusqu'en 2007, la lanterne a été une résidence que la République prêtait au Premier ministre jusqu'à ce que président Sarkozy décide de la récupérer à son propre compte. Le Fillon, le Fillon, le Fillon. Ah, c'est pas un peu fini de rire sur l'air des lampions? Bon, je vous passe la charge symbolique du chef de l'État qui aime à passer ses week-ends à Versailles. Et c'est très lourd de sens, ça. Et depuis Louis XVI, aucun n'avait vraiment osé squatter les dépendances de la monarchie absolue. Donc, ce petit pavillon de chasse est devenu une annexe de l'Élysée. C'est un petit château en forme de U avec un pavillon central où crèche le président et deux ailes pour le service et la sécurité. Et par exemple, c'est dans ce petit U que Nicolas Sarkozy a passé sa nuit de noces. Et là, on se rend compte que président Sarkozy est dans la stricte observance de l'héritage révolutionnaire. Les nouveaux aristocrates à la lanterne. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patiente. Troubles psychiatriques et déficit d'attention pour une reine qui a, sans conteste, perdu la tête. Mais le ministère psychique traque la vérité. La sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patiente que l'on a trop souvent critiquée comme étant une victime des modes lancées de Versailles, car question prête à porter, il y en a marre que Paris impose sa loi. Depuis le temps que Paris impose sa loi à ceux du nord au midi qui n'en veulent pas. Leur maudite révolution ne leur suffit pas. S'ils tuent la reine comme le roi, on va leur faire payer ça. Chouan, en avant, pas Saint-Denis, pas Saint-Jean. We'll be right back. abattront Robespierre. L'odieux tyran roulant ce loup sanguinaire dans son propre sang. Je dis que la République n'en a plus pour longtemps. Nous ramènerons la foi, nous serons un nouveau roi. Jouons en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, Corbanon, en avant, jouons. Jouons en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, Corbanon, en avant, jouons. Jouons en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean. Chouan en avant! Mais ça va pas, non? Chouan dans ton, oui? Dans ton quoi? Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir décortiqué l'intimité de cette relation complexe qu'ont entretenue notre patiente et son époux Loulou, il est temps désormais de nous intéresser aux aspérités cachées chez Marie-Antoinette. Car vois-tu, je crois qu'il est nécessaire de rétablir à ce propos nombre de vérités, puisque la reine fut assurément victime de nombreux clichés. Certes, Marie-Antoinette incarnait avec Louis XVI une société inégalitaire et détestable, celle de l'Ancien Régime. Résultat, la Révolution les a raccourcis l'un et l'autre. Chut ! Bon, bah, c'est comme ça. Cela dit, notre patiente fut avant tout une femme, à l'architecture mentale très mal estimée, figure-toi. Tiens, prenons un premier exemple, celui de la célèbre brioche. Te souviens-tu ? Résumons rapidement. Le peuple crève de faim et se plaint de ne plus avoir de pain. C'est la disette. Là-dessus, Marie-Antoinette aurait répondu « Ils n'ont qu'à bouffer de la brioche, ces cons !» Mais Quolibets et Billevesait ! D'ailleurs, pour rétablir la royale vérité, nous allons devoir enfreindre le secret médical et te révéler ici ce matin que chez Marie-Antoinette, la brioche était en réalité une obsession compulsive dont elle a beaucoup souffert, et seul son amant suédois, le comte de Fersen, était au courant de ce trouble psychique. Je me regardais dans la glace ce matin. Hein ? J'aurais voulu avoir de la brioche. Hein ? Tu t'es regardé dans la glace ce matin et ça t'a ouvert l'appétit ? Pas cette brioche. Du bide, imbécile. Un peu de bide, c'est très sexy. Bah alors, tu peux être contente. Parce que t'en as. N'importe quoi, gros lard, tu sais bien que j'en ai pas. J'ai un peu de ventre, un tout petit peu. C'est différent. J'ignorais qu'il y avait une différence entre un peu de ventre et du bide. Une différence énorme. Si tu avais de la brioche, je la bourrerais de coups. Des coups de poing dans ma petite brioche ? Grand coup de poing. Oh ! Eh ben moi, je t'étoufferais avec et je m'assirais sur ta figure et tu pourrais plus respirer. Tu vois ça ? Oui. Eh oui, tu apprends ici que Marie-Antoinette n'aimait pas son corps et lorsqu'elle évoquait la brioche, elle parlait de son bide, évidemment. Pauvre enfant. La vox populi raconte vraiment n'importe quoi. Bon, poursuivons et attaquons-nous maintenant au protocole. Alors là, c'est la farandole des images d'Épinal qui nous offre une Marie-Antoinette aristocrate engoncée dans l'étiquette et qui vit au rythme des usages et des coutumes de la cour à Versailles. Eh bien, que nenni ! Prenons l'exemple de son réveil au petit matin. Imagine Marie-Antoinette au pied du lit. Imaginez-la, elle est nue et... on va lui passer sa chemise. La porte s'ouvre et entre la duchesse de Chartres. Immédiatement, évidemment, c'est à elle à mettre la chemise. Par conséquent, la chemise quitte les mains de la dame d'honneur et est remise à Madame Campan. Madame Campan va la passer à la duchesse de Chartres qui, à ce moment-là, enlève ses gants parce qu'elle était gantée quand elle est entrée, mais il ne fallait pas qu'elle mette ses gants pour mettre la chemise. La reine attend toujours nue, les bras croisés sur la poitrine. À ce moment-là, la porte s'ouvre, c'est la comtesse de Provence. Comtesse de Provence, belle-sœur de la reine, il n'est pas question une seconde que la duchesse de Chartres passe la chemise à la reine. Par conséquent, la chemise fait machine arrière, si j'ose dire, revient de nouveau dans les mains de la dame d'honneur, de Madame Campan, et le chemin inverse, et enfin, la reine peut avoir sa chemise. Et on l'entend dire à ce moment-là, quelle importunité. Il est certain qu'on ne peut pas lui en vouloir d'avoir voulu secouer ses usages, cette étiquette, et de se retirer dans ses appartements pour faire sa toilette paisiblement et calmement. Mais elle, comme je le disais tout à l'heure, elle a lésé une quantité d'ayants droit, de gens qui avaient acheté leur charge fort cher et qui n'avaient plus à l'employer. Eh ben voilà, à peine Marie-Antoinette s'était-elle installée à Versailles qu'elle a envoyé valser toutes les coutumes ringardes de la cour. Eh oui, bon, je ne te raconte pas la tronche de la duchesse de Chartres, mais c'est une réalité, le protocole gonflait gravement notre patiente, souvent sujette d'ailleurs, à des crises compulsives d'anticonformisme. Ensuite, une fois reine, on lui a reproché justement de s'être isolée au petit Trianon, sorte de tour d'ivoire où elle menait, soi-disant, une vie de débauche totalement coupée des malheurs du peuple. Alors là, on s'est beaucoup moqué, hein. Ouais, elle avait l'air d'une grosse truffe quand elle jouait à la bergère. Sinon, il paraît que dans les buissons, sa culbutée sévère. Enfin bref, c'est lamentable. Non, au petit Trianon, Marie-Antoinette a enfin pu exprimer toute la créativité artistique de son psychisme. Et notamment, elle fut une excellente comédienne de théâtre, c'est attesté. Et une fois encore, sur les planches, elle fut pour l'époque une avant-gardiste, avec des pièces digne du théâtre de la Michaudière. Oh, je t'en prie, arrête ton cinéma, c'est pas comme ça que tu vas perdre du poids. Plus mon cul est gros, moins mon visage est ridé. Alors fiche-moi la paix, retourne avec ta petite pouf. Dis Bernard, je préfère dire pouf que poufia, ça te gêne pas? Non, c'est bien pouf, c'est bien. Si tu veux dire petite pétasse, tu peux. On essaie. Ok. Oh, je t'en prie, arrête ton cinéma, c'est pas comme ça que tu vas perdre du poids. Plus mon cul est gros, moins mon visage est ridé. Alors fiche-moi la paix, retourne avec ta petite pétasse. On va faire petite pouf, hein. Oui, bon, ben, d'accord. Moi, je trouvais que c'était pas mal, petite pétasse, mais... Et petite pute, qu'est-ce que t'en penses? Petite pute, c'est bien, ouais. Petite pute, c'est bien, ouais, ça raconte une histoire. Oh non, pas petite pute. Non, je préfère pouf, alors petite pouf, alors à la limite, d'accord, ouais. Cela dit, Bernard, franchement, hein, si tu préfères que je dise petite pétasse, moi, je dis petite pétasse. Je proposais petite pouf parce que c'est plus vivant, plus moderne, tu vois. Et tout, je fais ce que tu veux, hein, je suis pas l'auteur. Mais moi non plus, moi, je suis que le metteur, je suis au service de l'auteur, donc... Bon, on arrête pour ce soir, c'est bon, on coupe, on a tout ce qu'il faut. Ça nous laissera la nuit pour réfléchir, on décidera demain, d'accord? Ok. Surpris, n'est-ce pas? Franchement, c'était pas du Bernard-Marie Coltès, mais pas loin, non? Étonnante Marie-Antoinette. Cela dit, toujours dans le registre des fariboles, le pire que nous ayons pu entendre sur notre patiente, c'est le récit de son procès qui débuta le 3 octobre 1793, devant le tribunal révolutionnaire. Alors là, on a raconté que le moment fut sinistre, qu'elle n'eut que pour seule réponse qu'elle n'était que la femme de Louis XVI et qu'il fallait bien qu'elle se conformât à ses volontés. Eh bien, rien du tout. Ainsi, découvrons dès à présent quelles furent les authentiques réponses de Marie-Antoinette devant les attaques de l'accusateur public, le citoyen Fouquier-Tinville. Veuve Capet, veuillez répondre à des questions. Quelle est votre profession? Même si on m'appelait fil de fer, parce que j'étais pas très jolie, j'étais maigre comme un clou, et c'était moi la reine. Vous êtes accusée d'avoir appris à Louis Capet cet art de profonde dissimulation avec laquelle il a pu tromper le bon peuple français, qui ne se doutait pas que l'on pouvait porter à un tel degré la scélératesse et la perfidie. Pourquoi alors partir dans la vie avec un monsieur si il y a des restrictions? Si j'épousais cet homme, je l'épousais avec tout ce qu'il m'apportait de bien et quelques problèmes. Vous n'aviez pourtant qu'un seul but, remonter sur le trône, en passant au besoin sur les cadavres des patriotes. Oh non, je ne suis pas quelqu'un de revanchard, pas du tout. Estimez-vous que les rois soient nécessaires au bonheur du peuple? Je dis pas que c'était très important, mais ça faisait vivre énormément de gens, énormément. Silence! N'aviez-vous pas projeté de réunir la Lorraine à l'Autriche? Ça, c'est mon mari qui déciderait, ça n'est pas moi. Vous l'emportez cependant le nom. Mais qu'est-ce que ça peut faire? L'important est qu'il y ait une femme. Bon, j'ai un fils qui a 21 ans aujourd'hui, il y a peut-être une petite qui a été, ou qui est en ce moment ouvrière chez Peugeot ou Citroën, qui comme moi a débuté comme cela dans la vie, et qui peut-être un jour deviendra ma belle-fille, pourquoi pas? Silence! Enfin, vous êtes accusé de vous être livré avec Louis-Charles Capet, votre fils, à des indécences dont l'idée est le nom seul. On frémir d'horreur. Qu'est-ce que c'est que cette mayonnaise? Allons, finissons-en avec la tigresse d'Autriche. Et qu'on la mette à mort et en 83 morceaux pour être envoyée aux 83 départements. Avec mon mari, on ne sait jamais où on va déjeuner. Citoyen président, l'accusé n'a pas répondu à la question posée par Hermann à l'égard de son fils. il y a quatre salles à manger, quatre endroits où l'on peut déjeuner ou dîner, les couverts sont mis partout parce qu'au dernier moment, il va changer d'avis trois fois. Silence ! Le jury, m'ayant remis son verdict affirmatif sur tous les points, je requiers la peine de mort contre Marie-Antoinette, dite Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet. Elle aura la tête tranchée. J'espère que non, cher monsieur. Avez-vous quelque chose à dire ou à demander ? Que l'on me refuse de m'aider pour une cause, c'est tout à fait normal. Mais il y a façon de dire les choses et je crois que c'est ce que je n'ai pas aimé sûrement dans cette aventure. La séance est levée. Quel talent, Marie-Antoinette ! De l'humour, de la répartie, une élégance, bref, on aurait dit Nadine de Rothschild, dis donc. Mais bon, pour entrevoir totalement la face cachée de notre patiente, découvrons dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quelle fut l'authentique vocation de Marie-Antoinette lorsqu'elle arriva à Versailles en 1770. Professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble ses propres conclusions sur les aspérités refoulées chez notre patiente. L'interne, pointez-vous au labo! Allez, hop! Démonstration! Versailles, mai 1770. Marie-Antoinette débarque au château et entame sa vie de dauphine avec pour objectif premier le changement. Et question politique, Marie-Antoinette ose par son engagement et ses décisions audacieuses. Être reine, à ses yeux, consiste à briller. Le luxe, le raffinement, le goût sont grâce à elle intimement mêlés. Certes, on peut lui reprocher quelques extravagances, et surtout au point de vue des coiffures. Oui, à la fin du XVIIIe siècle, les questions capillaires sont primordiales. Et le 10 mai 1774, lorsque Marie-Antoinette est couronnée reine de France, son sort tient plus qu'à un cheveu. Tu sais, être blonde, ça donne un pouvoir non négligeable. Tu as plus d'atouts aux mains que tu ne le crois. Personnellement, j'aimerais te voir assumer ce pouvoir et le canaliser pour te donner encore plus d'assurance. Merci. Et voilà notre Marie-Antoinette bien rassurée quant à son statut de femme de pouvoir. Et comme toute première dame qui se respecte, elle se doit de défendre une cause. Trouver sa place pour aider les gens, quoi. Une coiffeuse, t'imagines ? Alors je me suis dit pourquoi pas moi et... Je sais pas, j'ai passé des essais et puis... Et pourquoi tu m'as rien dit ? Je dois ramener à Paris, moi, au lieu d'y aller comme ça, en cachette. Tu parles. T'es même pas content pour moi. Ah si, si, je suis content. Tu vas être comme une petite reine. Ils vont t'admirer, ils vont te regarder. Et qui est-ce qui va me couper les cheveux, moi, maintenant ? Bon, Louis XVI n'est pas toujours d'accord avec les engagements de sa femme qui lui prennent énormément de temps. Entre les rendez-vous à assumer et les parties de chasse de monsieur, l'emploi du temps est assez serré. Mais Marie-Antoinette, qui veut inculquer les nouvelles habitudes en matière d'hygiène, sait rester disponible pour montrer l'exemple. Myrlène, shampoing, shampoing. Bah oui, quoi. Je vais pas me laver les cheveux avec un détergent, hein. Et con, l'autre, là, c'est pas vrai. Laver les cheveux avec un détergent. Oh, mais je rime. Non, mais là, je crois que je rime. Avec un détergent, c'est pas vrai. Là, mes cheveux avec un détergent, non, mais je rime. Je crois que je rime, non. Oui, à la fin des années 70, les évidences ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais Marie-Antoinette veut continuer et oser davantage. Elle fait alors appel à son ami, le perruquier Léonard Antier, coiffeur officiel de la cour. Dans ce métier, il y a de la férocité, du carnage. C'est l'équilibre entre l'intelligence de l'homme et l'instinct de l'animal. Il faut savoir exactement ce que l'on veut et jusqu'où on est prêt à aller. Jusqu'où Marie-Antoinette est-elle prête à aller ? Trop loin. Et surtout trop haut, avec des perruques atteignant les 70-80 cm de hauteur. Mais Marie-Antoinette est une femme de conviction et a assumé jusqu'au bout son engagement pour la beauté capillaire. Et regardez-la, elle est décoiffée. Pour une fois, Marie-Antoinette n'a pas songé qu'à être belle dans le danger, comme le dira Lafayette. J'ai pas peur, et je regrette rien, à part mes cheveux. Je dois dire que l'idée de ressembler à Jeanne d'Arc quand je vais retrouver mon ange. Je vais avoir droit à la coupe au bol avant de passer sur la bascule. Parce que je le vaux bien. Thank you, Mr. Taylor. Parce qu'elle le vaut bien, Le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne complètement déjanté du ministère psychique pour cette révélation capillotractée, qui nous enseigne qu'en réalité, Louis XVI n'était que le mari de la coiffeuse. Pour finir, évoquons brièvement les fêtes fastueuses données à Versailles pour lesquelles on accuse Marie-Antoinette d'avoir dépensé des fortunes. Mais bon sang, sais-tu au nom de quoi la reine offrait ses bals somptueux ? Il y a bal ce soir à Trianon, la reine reçoit toutes ses copines, il y a 22 ducs et 30 barons, chacun y va de sa chopine. Même la duchesse, même la baronne, videz votre verre à la santé d'une jeune personne qui s'appelle la Liberté. La Liberté. Et mon cul, c'est du poulet ? Alors maintenant, après avoir réellement détaillé la face cachée de l'architecture mentale de Marie-Antoinette, essayons dans les minutes qui viennent de sonder la réalité et l'impact des résurgences contemporaines des pathologies psychotiques de notre redoutable patiente aristocratique. Et, comme d'habitude, abordons notre étude pseudo-psychanalytique par une approche jungienne. En effet, une fois encore, nous avons soumis son dossier à une analyse critique fondée sur les travaux cliniques du psychiatre suisse Carl Gustav Jung et le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le docteur Yvan Beauchelet, a tenté d'expertiser les échos des troubles psychiques de Marie-Antoinette au cœur de notre histoire récente. Alors, professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons si oui ou non les névroses de notre reine sans tête résonnent encore dans notre monde. L'expert jungien, pointez-vous au labo ! Analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. L'histoire telle qu'on l'écrit est une archive indestructible de notre passé. Mais le nœud du problème est, qui a mis ces événements par écrit ? Marie-Antoinette, c'est probablement aujourd'hui la reine de France la plus célèbre. Bonjour. Jolie reine aussi, avec un physique tout à fait aimable. Vous aimez vous rouler dans le foie ? Et je crois qu'Anémone veut aussi vous exprimer ses vœux. C'est amusant ! Roule dans le foie ! Que ceux d'entre nous qui avons la chance d'avoir le bonheur et la santé... En faisant ma bergère à Trianon. N'oublie pas ceux qui sont moins favorisés. Sous la houlette de la bergère. Que pour eux aussi, 1976 soit une année meilleure. Ça aurait pu être pire. Comment ça ? Il pourrait pleuvoir. Et en même temps, bon, c'est une reine à la destinée tragique. Les femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain ! Quand la demande est supérieure à l'offre, les prix montent. Et c'est exactement ce qui se passe avec le pétrole. Il faut y ajouter... un peu de spéculation, quand même. Je ne raffole pas de dessert, mais celui-ci est excellent. De toute façon, le gouvernement a d'ores et déjà indiqué qu'il n'envisage pas de baisse des taxes. Non, Christine Lagarde demande aux Français de prendre leur vélo plutôt que leur voiture. Qu'est-ce que c'est ? De la Schwarzwaldenkirchtorte. Ce discours de Marie-Antoinette ou de Marie-Chantal, je ne sais ce qu'il faut dire. On entend la ministre de l'économie et des finances dire « Écoutez, je ne peux rien faire ». Qu'il mange de la brioche. On a quoi comme résultat ? Cléopâtre avec la tête d'Elizabeth Taylor ? Jésus qui ressemble à un hippie en chemise hawaïenne ? Et là, elle passe de la frivolité à la tragédie. Au-delà de la démagogie de la droite. Mais elle ne dépense pas plus qu'on ne dépensait autrefois à Versailles. Simplement... Et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation. Et elle apparaîtra plus tard comme une sorte de bouc émissaire. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Ah, j'ai perdu la tête, car personne ne m'aime. Parce que plus personne ne m'aime, je vais perdre la tête. C'est sans doute ce qu'a dû se dire Marie-Antoinette devant les sarcasmes de la foule sur le chemin qui la conduisit en charrette, les mains liées, de la conciergerie à la place de la Concorde, où l'attendait le bourreau, sur son échafaud, aux alentours de midi, le 16 octobre 1793. Bon, cela dit, figure-toi que depuis cette exécution capitale, d'autres aristocrates, bien plus proches de nous, sont victimes d'un curieux mimétisme guillotin, car eux aussi, je crois qu'on peut le dire avec certitude, ont également totalement perdu la tête. Le pouvoir socialo-communiste a fait beaucoup de mal, je dirais surtout pour la noblesse, qui a été... Ils ont été carrément... Les nobles, il y en a... Ils ont été carrément... Évincés, décimés, déconsidérés. Ah, déconsidérés, ça a été... Fallait plus être noble, porter une particule, c'est avoir la lèpre. Faut voir les gars Philippe de Villiers, qu'on oblige à faire le mariole. On oblige de faire organiser un carnaval. De Villiers. Vous avez les Leroy Merlin qui est obligé de vendre de la quincaillerie. C'est attirant. C'est un peu plus. Le Carrefour Pompadour. La Duchesse du Barry, le Vicomte d'Hoffmann. La gauche socialo-communiste. Ils ont fait du mal. Qu'ils ne reviennent jamais. Je leur couperai le kiki. Au feu, Jaurès, Mitterrand et consorts. Oui, ces aristocrates-là ont vraiment perdu la boule, semble-t-il. Par ailleurs, le goût immodéré que Marie-Antoinette développa pour les chaussures, les sapes et les parures n'a pas fini de laisser des traces au cœur de la formidable histoire de la mode. Avec sa célèbre modiste, Rose Bertin, la reine Marie-Antoinette fait référence en matière d'élégance. Elle s'habillait de robes légères, faites de taffetas, et se chaussait de souliers de soie dont le talon était de faible taille. Ouais, malheureusement, cette obsession pour la mode connaît quelques reliquats moins heureux qui continue de sévir dans l'ouest parisien. Léna et les banques présentent une splendide panoplie. Avec le pull, le foulard, la jupe, les collants, les chaussures avec la boucle dorée, le collier, les dents blanches et des ongles propres. La Versaillaise en panoplie, c'est les copains qui vont être surpris. L'année dernière, j'ai eu David Croquette, mais je l'ai jamais mise. La Versaillaise en panoplie, livrée avec 6 capotes. Oui, bon ben, quand la Versaillaise, elle a un gros Louis XVI dans son lit, il faut bien qu'elle s'amuse un peu, maman. C'est ça aussi, Marie-Antoinette. C'est volage, c'est léger. Encore que ça peut devenir très lourd, tout dépend du degré de schizophrénie. Et oui, parce qu'il y a encore quelques mois, par exemple, certaines se prenaient réellement pour Marie-Antoinette, surtout quand le prénom, ça rime. Bernadette Chirac. Elle vivait depuis toujours dans un monde où elle ne payait rien. Pour lui éviter un choc dramatique, son entourage lui cachait que les privilèges avaient été abolis et qu'en France, il n'y avait plus de reine. Malheureusement, un jour, au fort de Brégançon, laissée seule par ses proches, le drame survint. Bonjour, madame. Oui. 4 pizzas et une boîte de 12 chicken, c'est ici? Non. Jacques Chirac, c'est pas ici? Ah si, ça doit être pour mon mari. Posez ça là. Ah, tu vois, c'est là. Bon, c'est 40 euros, madame. Pardon? C'est 40 euros. Mais non, mais je ne comprends pas. Garde! Bernadette venait de se réveiller. Non, bon. Plus de privilèges? Non. Goodbye, Louis XVI. Il nous faut payer comme de vulgaires valets? Ouais, normalement, ouais, mais c'était il y a 200 ans, l'abolition des privilèges. J'ai eu le temps de m'organiser depuis. T'inquiète, on paye rien, comme avant. Bon, ok, goodbye Louis XVI. Mais bonjour Napoléon. Ouais, enfin bon. Heureusement, pour nous distraire de la morosité ambiante, nous avons ici, au ministère psychique, quelques authentiques schizophrènes bien barrés qui se prennent réellement pour Marie-Antoinette. Du coup, l'un de nos pensionnaires à vie, trépané deux fois, que nous appelons ici Long Corps Chétif, t'offre cette semaine son royal travestissement. Ainsi, découvrons ensemble sa redoutable pathologie lorsqu'il se pointe à l'infirmerie. Comme d'habitude, c'est totalement absurde, mais bon, c'est la tradition. Le malade en la parole. Je t'aime bien, Marie-Antoinette. Tu es toujours très coquette. Tu es mon égérie. Et je vais à l'infirmerie piquer du coton hydrophile que je me mets sur la tête et ça fait des fils. Puis j'enfile mon peignoir et je chope une mouche noire que je me plaque sur les pommettes. Et voilà, c'est moi, Marie-Antoinette. Les gens dans les couloirs me disent « Où tu vas, Toinette ?» Je réponds « Où voulez-vous que j'aille ? Je vais à Versailles, voir le roi de la bière, Louis XVI, 64. » Il me dit « Viens, on va s'éclater sur le dance floor, Marie-Laure. » Non, moi, c'est Antoinette que je lui dis. « Ah oui, c'est vrai, où avais-je la tête ? Viens, on va faire la fête. On danse quoi ? Un menuet ? Ah non, mon loulou, c'est trop niais. Une gavotte ? Oh, tu me prends pour une sotte ? Une chaconne ? Ouaf, ouaf, elle est bien bonne. Un branle ? Oh, dis donc, je suis pas la veuve poignée. Ah, ma nénette, t'es trop top. Dansons le hip-hop. Ok, d'ac, mais dis-moi, mon loulou, pourquoi ils m'ont guillotiné ? Tout ça parce que j'avais un peu trahi. Dans mon pays, j'aurais simplement été brûlé. Car là-bas, si on triche, on grille. Autriche, Hongrie, je suis trop conne. I'm lying awake in my bed and I wish you were here. I'm tired and lonely and horny without you, my dear. I'm writing a manifesto, sending a telegram. I'll be a lady if you be a gentleman. I'm floating away from a pillow and into the woods. I'm finding my way to your heart by the light of the moon. The forest can tell I'm under your spell, you're taking me out of my shell. I'll be the penny if you be the wishing well. I'm floating away from my pillow and into the woods. You said you wouldn't go because you told me so, but I knew that you would. Enchantment, enchantment. Gonna get me high. Guided by the stars above, the whisper in my ear. I feel the kind of lonely, only you can understand. I'll be a lady if you be a gentleman. Diary, diary knows me well. I could write all day and I never would be done. The sun is in my heart and the moon is in the sky. I'll be the riddle if you be the lullaby. There's a little cafe at the end of the world. Everybody knows that's where everybody goes. So I knew that you would. Enchantment, enchantment. Gonna get me high. Alors qu'en Chantilly, c'est Marie-Antoinette en perruque à Trianon. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques et le ministère psychique a bien noté la complexité psychologique de Marie-Antoinette, la vedette des reines de France. Eh oui, Marie-Antoinette, encensée par Sofia Coppola, est peut-être une jeune fille sublime. Mais nous, d'un coup, ici,